알아요. 어. 알로. 알로. C'est quoi le but de ça? C'est de là, oui. C'est de là. Oui, oui, c'est d'accord. Là. D'accord. Non, franchement, j'ai pas de commentaire sur ça. Moi, je les ai vus construire ces trucs. Vers les années 80, je crois. C'est ma mémoire, elle est bonne. Ouais, ça a bien vieilli. Hein. Avec la mousse verdâtre qui est dessus. J'aime bien le rendu. Désolé, mais je dois aller parce que je travaille. Si jamais vous croisez les doigts du géant, vous venez me le dire. Ok, et vous êtes là tous les jours? Ah ben, je vais essayer d'être là le plus longtemps possible, parce qu'il faut que je les retrouve. J'ai pas le choix. Mais oui, mais ça me dérange pas, moi ça me gêne pas. Moi, quand j'ai envie de dire... Il y a des trucs qui montent. Non, moi je suis pour l'urgence. Ouais, t'es pour l'urgence. Limite, on rentre en courant. Ah, c'est problématique, hein. Il manque des doigts, le pauvre. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Il n'y a pas de maçon, ouais. Dans cette tradition corse, toi tu fais ce qu'on appelle la segunda, c'est la voix principale. Toi tu fais la terza, qui suit la segunda au-dessus, et moi je fais la basso. Il en a marre de son bras sur ses épaules. Monsieur, là, ça fait 40 ans, il n'a pas fini un livre, il n'est même pas de 1000 pages. La femme là-bas, il est enceinte, ça fait 40 ans qu'il est enceinte. Je ne sais pas ce qu'il a dans le monde. C'était l'Everest d'aller arriver sur la tête. Et on était très peu arrivés là-haut. On arrivait à monter sur l'épaule, on était courageux. C'est l'image du quartier, c'est géant, hein, c'est l'image même. Voilà. Et si je peux être plus utile, je le serai. Merci. Mais à vous aussi, bonne journée. Bonne journée. Et bonne continuation, et vraiment, vous faites un métier formidable. C'est pas dangereux? À mon avis, ils sont pas loin. Je vois mal quelqu'un récupérer un doigt de géant et puis le mettre chez lui, mais... Ok, oui, mais tu peux m'ajouter avec toi, mon ami. Ok, bah c'est... Et viens, je vais rester les brignots parce que... Non, pas Furion, s'il te plaît. Viens, tu mets tout. L'oprimufiore ni la... Allez, dans les...